Salut Charline. Alors, j'ai une grande nouvelle. Génial, pour qui? Non, pas pour toi. Oh, non, c'est pour toi. Ah, je suis trop contente, vous allez m'augmenter. Alors, ça tombe bien, parce que j'ai pris un crédit. Non, c'est pas ça. Non, c'est quoi? Ben, on a perdu un membre de l'équipe, donc toi, ça t'a obligé à travailler deux fois plus. Oui, et pour Gazim Parade. Oui, je sais. Pas facile d'être patron. Oui, ben ça va, silence. Et puis, ça critique la loi travail. Non, mais ça suffit, là. Bon, alors, la grande nouvelle, c'est qu'on a du renfort. Tada! Bonjour à tous. Julien, tu es une copine. Excusez-moi, mais il y a erreur sur la marchandise. Merci pour l'accueil. Non, mais désolé, mademoiselle, mais Charline, elle a dit, on a une grande nouvelle. Elle est là. Mais elle est pas si grande que ça, la nouvelle. C'est drôle. C'est ça, ouais. Oh, mais c'est l'ambiance de travail. C'est détendu, on se marre. Vous allez beaucoup rire. C'est drôle, non? Ouais, très drôle. Bon, t'es pas obligé de rire aux vannes d'Alex, déjà. Ah, bah non, mais les bonnes vannes, je les garde pour l'antenne. Et puis dans le bureau, je fais les autres, quoi. Parfois, il n'y a pas assez de bonnes non plus. Mais moi, je dois rire aux bonnes? Non, même pas. Non, c'est pas la peine. Eh, elle est belle, la France. Bon, allez, on reçoit qui? On reçoit François Damien. Chouette. Bof. La nouvelle, t'aimes pas François Damien? Si, mais franchement, il y en a un peu marre des Belges. Pardon? Oh, la boulette. Non, mais t'aimes pas les Belges? Bah, franchement, je trouve qu'on les surévalue. Ah, on les surévalue. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Le café. Parce qu'on voudrait pas te surévaluer. Ouais. Puis c'est pas au-dessus de tes compétences avec une chouquette. Chouquette. Et vite. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui assouplit le code de l'actualité et voici les trois informations qui vont travailler plus pour le même prix, parce que c'est moderne. Contre la loi travail, on retrouve la France qu'on aime, celle qui se bat pour l'emploi, celle qui bat le pavé et celle où le bas blesse, c'est que les syndicats ne s'entendent pas. Camarade ! Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire. Les abattoirs industriels vont-ils finir par nous dégoûter de la viande ou au moins changer notre consommation de la barbaque? Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. Bah oui, mais François Hollande aussi, et puis il les a pas faites. Les gourous du développement personnel ont une solution pour nous offrir un supplément de vie, se lever beaucoup plus tôt que l'horaire d'embauche pour faire un jogging avant le bureau, par exemple. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et moi, je suis accompagnée de celui dont le code vestimentaire peut provoquer le suicide de n'importe quel créateur, c'est Alex Vizorek. Surtout des daltoniens. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Surtout d'un caméléon si on le pose sur Alex. Exactement. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe pour cet invité. À 17h20, celle qui connaît plus de chanteurs inconnus que de chanteurs connus, c'est Mélanie Bauer. Bonjour. Absolument. Ce matin, je me suis réveillée avec plein de messages dans mon téléphone. C'est la journée de la femme, 15% de réduction dans nos magasins. Et donc je vais y revenir en musique tout à l'heure. Donc 15% de réduction sur votre chronique aujourd'hui, voilà, et c'est déjà ça de gagner. 17h30, ce matin on a découvert qu'il avait donné une interview à un journal, le quotidien Révolution Permanente, en espérant qu'un jour il fasse la couve de Caviar Magazine. Bonjour Guillaume Meurice. C'est pas gagné, j'y travaille. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et bien moi je me suis intéressé aussi à la journée internationale des droits des femmes. Copier. J'ai interrogé des hommes. C'est une très bonne chose, tant mieux pour les femmes ou pour les bonnes femmes. Oui, voilà. Le droit des bonnes femmes, ça marche aussi. Et à 17h40, alors apparemment, j'ai appris aujourd'hui, il serait réalisateur à 16 heures perdues. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est un excellent chroniqueur. Bonjour Thomas Bideguin. Mais excellent, mais je vous remercie. Mais dis donc. Eh bien oui, moi je viens vous parler de vue. De point de vue. Oh, ça c'est l'image du monde. Ah. Allez, si tu écoutes, j'annule tout, est présent dans le monde moderne et virtuel, sur Twitter et Facebook. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Baudouin de Belgique. Voilà. Vous êtes François Lambrouille à partir de l'an 2000, quand Mimi Mati reçoit le 7 d'or de la meilleure comédienne de télévision. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans OSS 117 en 2006, quand Carla Bruni est le porte-drapeau italien à l'ouverture des JO de Turin. Et vous êtes le papa de la famille Bélier en 2014. Et Valérie dit merci pour ce moment d'ailleurs, cette année-là. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Monsieur François Damiens. Oh là là, docteur. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ouais, mais qu'est-ce qui nous le prouve dans le fond que vous êtes François Damiens? Ah, tu veux ma carte d'identité? Ah, vous l'avez sur vous? Voilà. Ouais. C'est bon, on se tutoie. Ah, c'est l'état d'urgence. Oui, je vois. Carte d'identité. C'est bon. On peut démarrer. De voyage. On peut démarrer alors. François Damiens, on peut vous voir à partir de demain en salle dans Des nouvelles de la planète Mars, le dernier film de Dominique Moll. Avec vous, bien sûr, avec Vincent Macaigne et notamment aussi Verle Battens, actrice flamande, excellente. Vous êtes dans ce film Philippe Mars, un ingénieur informatique qui non seulement ne sait pas dire non, mais en plus qui s'écrase aussi devant certaines personnes. Il ne sait pas dire non à sa femme qui laisse les enfants en pleine nuit. Il ne sait pas dire non à son collègue qui s'incruste ou à sa sœur qui laisse le chien. Bref, toute cette accumulation finit par mettre sa vie en péril, mais on ne dira pas plus. Alors, c'est un mal du moment. C'est d'ailleurs un thème qu'on aborde régulièrement dans cette émission avec notre chroniqueuse Isabelle Sorrente. C'est que on ne veut pas dire non, on ne sait plus dire non, par peur de déplaire ou par goût de plaire. Alors, est-ce que votre personnage, Philippe Mars, il ne sait pas dire non, mais pourquoi ? Pas tellement parce qu'il veut plaire. Non, je pense qu'il n'est pas très sûr de lui, il n'est pas très sûr non plus de la vie dans laquelle il vit non plus. Il essaye de donner de l'assurance à ses enfants alors qu'il n'en a pas lui-même, quoi. Mais ceci étant dit, Dominique Moll m'a appris à dire non, oui. mais pas dans le film. Je me rappellerai, pendant les essais, on a fait 3-4 semaines de répétition avant. Et le premier jour, j'ai dit, attends, 2 secondes, je prends juste un thé. Et puis Marie, il fait, non. Et un non avec rien derrière, ouais. C'est assez déstabilisant. Alors c'est et donc c'est j'ai fait, non, j'en prendrai plus tard. C'est intéressant parce que c'est le contraire de votre personnage. Ouais. Est-ce que il y a un petit côté comme ça où lui dit non de façon catégorique et il met en scène un personnage qui n'y arrive pas. Et à la pas. Fois, mon personnage est un peu, il y a une grande partie du réalisateur qui a écrit le film, Dominique Moll, quoi. C'est très particulier. Je m'en suis rendu compte au bout de 3-4 jours, quoi. Vous êtes comme ça un peu, vous, parce que vous avez l'air comme ça assez sympathique, assez discret par rapport au personnage que vous jouiez dans François Lambrouille, qui avait un peu l'air d'être votre anti-moi. Ouais. Donc vous pourriez être un peu cet homme comme. Oui, moi j'ai du mal à dire. À dire oui et à dire non aussi, en fait. Ah, les deux. Ouais. Donc, vous vous êtes identifié à votre personnage. Oui. D'ailleurs, on voit les gens qui disent non. C'est sûr qu'il n'y a même pas besoin de dire « Ah, t'es sûr ?» Moi, c'est clair. Et moi, je dis toujours « Oh, non. » Vous laissez la porte un petit peu ouverte. Voilà, toujours un peu ouverte. Surtout qu'en Belgique, on dit souvent « Non, merci. » Et les Français sont parfois déstabilisés. Qu'on dise « Merci » après « Non ». On dit « Non, peut-être » aussi pour dire « Oui ». Oui, c'est vrai. Alors, votre trip d'acteur, vous, à chaque fois, un petit peu votre challenge, c'est d'insuffler beaucoup d'humanité à votre personnage. Ici, il est déjà assez humain dès le début et vous le poussez encore plus loin. Donc, il y avait un challenge encore plus fort. Oui, c'est vrai que ça faisait un peu peur au début. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a finalement à jouer, en fait, quoi ? L'accident va arriver de la part de Vincent McCain, mais donc moi, je vais juste alimenter, mais il ne va rien se passer. Pas que je voulais tirer le drap de mon côté, mais je me dis, à un moment, quitte à faire une film, on dit Non, ici, c'est oui. Un film. Peu importe, vous êtes étranger, on ne veut pas. Ouais. Non, quand on veut faire un bon film, on... Non, aussi, c'est une comédie, dit autant qu'elle soit marrante, quoi. Et là, j'avais peur, et puis en fait, quand je l'ai vu, on l'a projeté à Berlin, et même les Allemands ont rigolé, alors que c'était sous-titré. Et tout. Si les Allemands ont rigolé, ça marche pas. Ah, c'est bon. C'est un indice. Vous êtes sauvés pour la prochaine fois. J'ai l'impression. Alors, vous avez à vos côtés Thomas Bideguin, qui a réalisé Les Cowboys, le film dans lequel vous jouez, François Damiens. C'est facile de passer après Thomas Bideguin comme réalisateur, parce qu'on a le top. Travailler avec c'est un peu des vacances, en fait, avec Thomas. On avait passé beaucoup de temps avant, on avait l'impression presque d'avoir déjà fait le film, quoi. Donc on était là. C'était. Mais les autres réalisateurs vous semblent pas un peu précis, ouais. Par rapport à Thomas. Je peux vous dire que les gens qui finissent leurs phrases. Ouais, c'est ça. Apparemment, Dominique Moll est très précis. Oui. Et ça apporte quelque chose au film, j'imagine, cette précision dans l'écriture. C'est un tout, en fait. C'est un style. En fait, on ne fait pas le film. On participe au film, mais en fait, c'est lui qui le fait à la fin, quoi. Et vous qui êtes champion, je trouvais dans vos caméras cachées, pas un café, de la comédie en mouvement. C'est-à-dire que vous aviez toujours la bonne réplique au bon moment parce que c'était la vie qui se déroulait. De comme ça faire de la comédie de situation où tout est écrit, où donc vous devez d'abord entendre ce que vous allez dire. Est-ce que le travail est différent ? Est-ce que ça vous est plus facile ou plus compliqué ? Ça dépend, en fait. Quand c'est artificiel, c'est plus compliqué. Par exemple, le film de Dominique Moll, c'était plus compliqué parce que je parle pas comme lui. Et c'était au mot près. J'ai eu le malheur de me tromper un jour sur un mot. Il m'a tendu le scénario sans rien dire. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Ouais. C'était sympa. Tout ça. Non, mais bon, je le respecte parce qu'il c'est un perfectionniste. C'est ce qu'on dit des gens chiants souvent. Oui, non, j'espère que les gens vont avoir autant de plaisir à voir le film que vous avez eu à le faire. Voilà. C'est Thomas qui dit toujours ça, il a raison. Et le film, c'est Des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll avec François Damiens, Vincent McCain et Verle Battens. Il est en salle dès demain. Yes, et pour François Damiens, Kiss Prince. Ah. All right. All right. Oh! René, c'est Prince Kiss sur France Inter. Et on est en compagnie de François Damiens qui vient nous voir pour son dernier film, Des Nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll, qui sera en salle demain. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Ouais. 18h, je peux le dire autant que je veux. Oui, et personne ne m'emmerde. Je peux dire oui. Et autour de la table, Alex. Eh bien, autour de cette table, nous en avons deux qui vont s'occuper de la journée du droit des femmes, que sont Guillaume Meurice et Mélanie Bauer. Et il y en a un qui n'a rien à taper, c'est Thomas Bideguin. Il parlera d'autre chose. Voilà, je vous le dis comme ça. Allez, c'est le moment de s'informer. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. 8 mars. Oui, 8 mars. C'est bien sûr la journée internationale des droits des femmes. Toutes nos pensées vont à Éric Zemmour. Et aujourd'hui, il y aura quelques faits divers, car c'est aussi de l'actualité. Ah, des faits divers, donc pas de brèves. Si, il y aura aussi des brèves. Il y en a même une qui concerne notre invité. Aïe. Et Alex, votre galanterie, hein, vous vouliez commencer par une surprise pour les femmes. Un petit cadeau. Bien sûr. Non, mais attendez, non, non. Pourquoi pas? Mais non, mais coupez, Alex, ça c'est Jean-Luc Lahaye. Simplement, je te. Ah, mais non, oui, non, oui, non. C'est Jean-Luc Lahaye, c'est Jean-Luc Lahaye. Jeune fille, jeune fille. Merci. Pardon. Merci. C'était pour la journée internationale de la gamine, on attend. Voilà. Allez. Politique. Oui, à l'occasion de la journée des droits des femmes, donc Nathalie Kosciusko-Morizet présentera sa candidature aux primaires à droite. Ce sera ce soir sur TF1. Voilà, si j'ai bien lu, apparemment, Nicolas Sarkozy devrait annoncer la sienne, lui, lors de la journée mondiale de l'audition, apparemment. Ah, non, non, non, non, vous avez mal lu. Non, Nicolas Sarkozy annoncera sa candidature après sa journée d'audition. Ah, sa journée d'audition, voilà. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, oui, oui, bien sûr. Passons à la journée d'action de demain. Oui, 58% des Français voient déjà le mouvement prendre autant d'ampleur que la fronde anti-CPE. Ah, et ça, c'est une excellente nouvelle. Ah bon, bah, vous trouvez? Oui, oui, parce que ça veut dire que 58% des Français sont capables de lire dans les astres. Ah, voilà. Passons à l'international avec la Suisse. Oui, le président de la Confédération Suisse a fait une allocution à l'occasion de la journée des malades, dont le thème cette année était le rire. Et je sais qu'il y en a qui l'ont déjà entendu. Ouais. On écoute Johann Schneider Amann. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Et oui, et oui. Et on sent le rire. On y vient, il sait ce que c'est parce qu'il y a des différences entre les rires, écoutez. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Voilà, et donc c'est pas notre genre, ce rire cynique. J'avais fait des caméras cachées en Suisse, je peux vous jurer que c'était comique à la fin. Quand ils disaient c'était une caméra cachée, ils disaient « Eh ?» Non, mais c'était juste, on vous informait. Oh. Oh, c'était compliqué, je parle de cette folie. Il va me foutre à plat, lui. Vous voulez dire qu'il connaissait pas le concept, quoi. Et, non, mais il disait oui et. Ouais. J'ai pour rire, hein. Très bien. Ben, voilà, oui. Dans la joie et l'allégresse, venons-en. C'est pas gentil de se moquer des accents. Non, pas c'est pas gentil. Surtout nous des Suisses, quand c'est des Belges qui font ça, c'est petit. On ne fera pas sur les petits. Les faits divers, oui, oui, d'abord avec un château chinon et le procès du dentiste de l'horreur. Ah oui, effectivement, au procès, il fait face à ses victimes. Oui, c'était l'occasion de voir qu'il avait mal fait son boulot déjà. Une des victimes a témoigné, je cite, « Je pissais le sang ». Ben oui, ben c'est un urologue qu'il fallait aller voir. Alors. Autre fait divers, Montpellier, oui. 2 points. Oui. Il se retrouve en prison pour avoir frappé sa mère qui avait mis des lardons dans ses lentilles. Oui, on tient à rassurer tout le monde, la maman de Guillaume Meurice va beaucoup mieux en sortie de l'hôpital. Larcin à Lille, un homme a volé une centaine de couches culottes pour s'acheter de la drogue. Oui, il a volé des pampers pour s'acheter du poppers. Télévision à présent. Oui, c'est rapide. Une intermittente virée de Touche pas à mon poste va toucher 138 000 euros. Oh, 138 000 euros pour ne plus travailler avec Cyril Hanouna. Mais oui, quand on sait combien de personnes refusent de travailler pour lui gratuitement. Ah oui. Musique. Oui, le groupe AC/DC a reporté des dates de tournée. Oui, le chanteur Brian Johnson risquait de devenir totalement sourd s'il continuait à se produire sur scène. C'est pas à Carla Bruni que ça arriverait. Des brèves pour terminer. États-Unis, 2 points. Oui. Une enfant de 2 ans appelle la police pour qu'on l'aide à enfiler son pantalon. Alors que moi, j'ai une voisine de 28 ans, mais qu'elle appelle les pompiers, mais pour l'aider à l'enlever. Et une dernière brève qui nous vient du mondial du tatouage. Et oui, le mondial du tatouage est gelé ici. La photo, un jeune homme s'est fait tatouer, vous le savez, François Damiens, une bête à cornes qui dit à un spermatozoïde « Coucou petite perruche, c'est en hommage à vous, à cette caméra cachée de François Lambrouille. Félicitations pour tout ce que vous faites. » C'est dingue. Mais je savais pas que je faisais de l'art, en fait. Les gens sont fous. Mais vous avez vu les dégâts de toutes vos conneries, ouais, Les dégâts, c'est gentil. Alors qu'on reconnaît l'élan, non? Oui, c'est de l'art rupestre. Allez, François Damiens, c'est avec nous jusqu'à 18h, on en profite. Premier sujet avec vous, les syndicats n'ont pas trouvé d'accord encore avec le gouvernement. Ils se revoient dans une semaine, le bras de fer continue. Alors déjà, ce serait utile que les syndicats s'entendent entre eux. Imaginez que tous les syndicats s'entendent juste avant d'aller voir le gouvernement. Bon, eh bien on doit les convaincre eux d'abord, d'accord? D'accord. D'accord? D'accord. On est tous d'accord. Parce que si on leur demande juste comme ça, eh bien, ils ne donneront rien. Ça, d'accord? D'accord. Ah ben, d'accord. Donc, il faut leur forcer la... Main. Main. La main. La main. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. Alors là, c'est simple. Dans les bénévoles de Jean-Pierre Mocky. Ouais. Alors, la figure du syndicaliste français, elle est presque aussi emblématique que le béret et la baguette. Le syndicaliste français, vous pensez qu'il est différent du syndicaliste belge ? Mais j'ai l'impression, enfin les syndicalistes en général, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à détruire en fait. Mais on ne construit rien et... Protégé, on va dire. Quoi ? Pardon ? Attention, vous êtes sur une radio de gauche. Hein. Ouais, parce que ouais, moi, là, c'est pour votre carrière. Je viens de perdre le prix Matmut. C'est très dommage. Alors, dans leur attitude, c'est ce qui transparaît dans leur attitude. Oui, mais je parlerais même de la politique en général. Quoi. Ouais. Moi, je rêve, un peu comme dans le film de Mokic, ils arrivent que Sarkozy se dit « Hollande, qu'est-ce qu'il a pas comme boulot, l'air de rien ?» Et puis d'autres, ouais, mais attends, quand t'étais au pouvoir, c'était quand même pas triste non plus. Hein, voilà. Et qu'au moins, on inverse un peu le truc. Mais vous êtes un idéaliste, François Damiens. Mais non, c'est plutôt que c'est un peu gavant à la fin des entendre, on a l'impression que c'est des enfants, quoi. Et ouais, surtout quand ils réagissent sur des événements comme les attentats où on se dit ils essaient encore de se placer dans tout ce malheur. Mm-hmm. Hein, vous trouvez qu'il y a une différence entre le syndicalisme français et belge, parce qu'en Belgique il y a beaucoup de syndicalisme. Ouais. Généralement les syndicats se fédèrent et la manifestation est toujours le dernier recours. Ici c'est quand même pas tout à fait je ça. Je trouve que les syndicalistes belges dans la forme sont quand même plus marrants, quoi. Ah, ils ont un accent italien. Vous rappelez de Dorazio là. C'était comment, c'est que... Mais moi, je me rappelle, je lui avais fait une caméra cachée, il n'a pas voulu qu'elle passe d'ailleurs. On lui avait démoli sa bagnole, il était sorti, mais il avait voulu me shotter, quoi. Mais comme il était un peu en embonpoint, il n'a pas réussi à m'attraper. C'était un petit peu « tu sors ou je te sors ». Oui, oui, oui. Il faut prendre une décision, mais elle a été vite prise, je peux vous dire. Vous lui avez dit tout de suite que c'était une caméra cachée. Oui, oui, mais il n'en avait rien à foutre, lui, par exemple. Contrairement aux Suisses, quoi. Ils sont un peu baraqués aussi, c'est vrai. Il a fait du théâtre, Roberto Dorazio. Vous dire qu'après, le syndicalisme... C'est vrai. Mais c'est quoi comme équivalent chez nous, ça ? Le patron de la CGT. Quoi, ouais, c'est ça. Ouais, c'était. Alors, non, c'était pour les forges de Québec, donc l'équivalent de Florange. Ouais. Vous êtes bien sur la RTBF. Oui, sur Belgique Inter. dans le film qui sort demain, François Damiens, des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll. Et là, il se demande comment elle va faire le lien. vous êtes le seul type qui n'est pas engagé du tout. Parce que c'est un film où, autour de vous, les gens sont engagés pour le végétarisme, pour le bien-être animal, etc. Puis vous subissez tout. Ben oui, vous n'êtes pas engagé. Non, je suis entouré de gens trop engagés, à mon avis. quand on a son fils qui se bat comme ça pour être dans les produits bio. D'ailleurs, j'ai un truc sur les produits bio, c'est un truc que je n'ai pas piqué, que je me suis dit tout seul. C'est quand même débile quand on arrive dans un supermarché et qu'il est marqué en grand « produits bio », quoi. C'est normalement, quoi. Oui, il devrait mettre pesticides dégueulasses à moins 40%. C'est comme si vous présentiez un ami en disant « Tu connais mon pote Thomas qui ne fera pas sa femme ?» C'est la même chose, quoi. C'est exactement ça. Voilà. En tout cas, ici en France, quand les syndicats tombent d'accord sur un truc, c'est toujours le même, c'est pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais on les aime comme ça, oui, finalement. François Damiens est avec nous jusqu'à 18h. Et comme c'est une journée spéciale, Mélanie Bauer. Ouais, effectivement, nous, on fera après avoir mis votre vernis. Vous connaissez ma copine Mélanie Bauer qui prend pas de drogue ? Non, je me suis trompé. Autant pour moi. Allez, on vous écoute, Mélanie. Alors, tout à l'heure, une personne charmante de sexe masculin, tout fière de lui, m'a dit... Alors, elle est contente, aujourd'hui, c'est sa fête. Voilà, comme je suis très pointue sur l'actualité, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec la journée des droits de la femme, hein, ou des femmes comme vous voulez, j'ai répondu, donc un peu faux cul, oui, je suis contente, ce qu'il a encouragé dans la connerie, il a ajouté... Ah bah, c'est les fleuristes qui vont être contents. Alors, je me suis dit, bah, peut-être que je devrais lui expliquer que la journée de la femme, ou la journée des droits des femmes, c'était pas la fête des mères. Alors, puis après, je me suis dit, non, je vais laisser tomber, car il y a beaucoup de femmes qui ont essayé de faire rentrer un petit peu de plomb dans ces têtes de nœuds sans succès, et d'autres qui ont, heureusement, marqué l'histoire, avec notamment celle de la musique, avec, pour commencer, la base, c'est Aretha Franklin en 1967 avec Respect. Connaît cette chanson, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au départ, cet hymne féministe qui réclame le respect pour les femmes est une reprise d'une chanson écrite par Otis Redding à un homme. Et dans sa bouche, elle prend un sens totalement différent. Quand Aretha dit « Je veux bien te donner mon argent, mais en échange, la seule chose que je te demande, c'est un peu de respect », ça sonne bizarrement complètement différent quand c'est le crooner qui le dit. « Hey little girl, you're sweet as a pie. réjouis Thomas Vidéguin d'entendre ça, non ? Les droits des noirs. Quand je rentre à la maison, petite fille, je te demande le respect. Là, on est carrément paternaliste. On n'est plus du tout dans le même registre. Mais la pire version de ce morceau, pire que l'accident d'avion qui coûtera la vie à Otis Redding à seulement 28 ans, c'est celle de Johnny Hallyday. Une chute vertigineuse pour le respect des femmes. De l'argent, c'est ce que tu veux. Je ferme les yeux. Et quand je passe je veux du respect. Ça s'appelait Aviserec. Quand je passe la porte, je veux du respect. Ah ouais. Prendre les notes pour demain quand j'arrive de au bureau. De l'argent, c'est ce que tu veux. Wow. Merci donc à la grande Aretha Franklin d'avoir rendu un peu de dignité à cette chanson. Parce que finalement, c'est ça le féminisme, une question de point de vue. Un jour, une militante à qui je disais que j'étais pas féministe me demandait si j'étais pour l'égalité des chances et des salaires hommes-femmes, une répartition plus équitable des tâches ménagères, la fin des violences conjugales et des tortures faites aux femmes. Et j'ai répondu, bah oui, et ben tu es féministe. Et là, on peut pas dire le contraire. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout femmes esclaves, et c'est l'hymne du MLF. Évidemment, une fois de plus, tout est une question de nuance. Le féminisme de Brassens en 1972, à l'ombre des maris, qui défend les femmes libertines. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. À cet hymne qui rassemble, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, découvrons-nous des milliers. À Sexy Sushi, qui découvre les femmes entre femmes en 2009, avec le sex appeal de la policière, qui célèbre l'amour des femmes. Là, on va dire les enfants, éloigner les enfants. Et de la police. De la radio. De la police. Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant, derrière. Le sex appeal de la policière. Je lui demande ma direction. La policière est super canon. Elle m'amène jusqu'à sa maison. Et là j'enlève mon pantalon. La policière aux cheveux bouclés dans son uniforme super moulé. En mes tétons plus pointés, je prends mon pied, je prends mon pied. Ah bah là on écoute. Respect. Ouais, c'est autre chose que le MLF qui chante, ça. Et oui. C'est pas mal, François Damien, Sexy Sushi. Ouais, ouais. Aimons-nous. J'aime encore bien ce genre de musique. Ouais. C'est punk. Ouais. Aimons-nous et surtout entre femmes. Et ce sera ma conclusion. On est plus ou moins objet selon le rôle que l'on joue dans la chanson. Et on peut pas remettre un petit peu de Sexy Sushi, là ? Allez. Elle a une bouche hyper sexy, comme c'est bon de s'envoyer en l'air. La policière n'a plus de soucis, mes escarpins, mon pantalon, sa petite culotte, ses mocassins, un grain de beauté, une tache de barbe, une dentelle, une salle de bain. Moi, j'aime bien aussi quand elle fait l'amour à Rachida Dati, mais c'est une autre chanson. Mais on vous conseille de réécouter Sexy Sushi, dont on avait passé un titre qui s'appelait J'aime mon pays. Ouais. Je dois cette découverte à Djoubaka, notre programmateur musical qu'on salue. Merci Mélanie Bauer. De rien. Voilà. Merci pour ce moment de révoltons-nous. Merci pour ce moment qui s'est terminé par un moment de débauche, idolâtre et pervers. Bien tout sûr. Ce qu'on aime. Vous êtes sur France Inter, vous êtes à la bonne adresse, en compagnie de François Damiens. Vous pourrez voir en salle demain des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll. Une comédie d'auteur, comme il a dit. Je trouve ça très belle façon de tourner les choses. Je l'ai répété, hein, c'est Dominique Moll. C'est rare, mais c'est oui, ça vaut la peine. On vous le conseille chaudement, en tout cas, avec aussi Vincent Macaigne et Verle Battens. Là, il est 17h35 et 35 secondes, et c'est le moment Meurice. Oui. François Damiens, accrochez-vous à votre string. Hein. Oui, bah, je vais vous parler des femmes, évidemment, aujourd'hui. Hein, donc, on l'a dit, journée internationale des droits des femmes. Et oui, puisque chaque maladie a sa journée, comme le choléra et la dysenterie. Oui, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est aussi la journée internationale du gros lourd. Ça tombe tous les ans exactement le même jour. Et alors, moi, j'ai choisi de traiter les deux sujets en même temps. L'occasion, donc, de rappeler que tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Et que, bah, dis donc, j'espère que c'est pas la même à chaque fois. Voilà, donc vous avez compris le principe. Des deux journées donc simultanées. Et pour la fêter, eh bien, je suis allé à la rencontre des hommes de notre beau pays ce matin pour faire un petit bilan de là où on en est sur la question. Alors, cette journée dédiée aux droits des femmes, qu'en pense ce monsieur ? Bah, c'est une très belle journée. Déjà, moi, j'aime les femmes. Toutes ? Grand respect, oui. Même Nadine Morano, par exemple, vous l'aimez ? Bah oui, pourquoi pas. Ah ouais, évidemment, non, mais pourquoi pas. Attention, je me méfie toujours des gens qui disent « j'aime les femmes ». C'est pour ça, hein. Michel Sardou dit ça, hein, « femme des années 80 », tout ça. Jean-Luc Lahaye dit ça, hein, on l'a dit, voilà. Bon, c'est plutôt « femme des années 2000 », mais bon, voilà, je me méfie quand même. Donc lui, il aime les femmes, hein. C'est important de comprendre ça pour la suite. Alors, notamment pour ses spécificités. La femme, quand même, elle est plus attribuée à gérer la famille. Elle est plus attribuée à gérer la famille ? Oui, oui, oui, gérer la famille. Pourquoi ce serait à elle de gérer la famille ? Ça a toujours été... Bah, l'enfant, il sort d'où ? Vous sortez d'où ? Du ventre de votre femme ? Alors non, c'est pas exactement du ventre de ma femme. Parce que moi, ouais, je couche pas avec ma mère. Hein, je ne suis pas du Nord-Pas-de-Calais. Oh, ça va ? Eh non, c'est la journée des gros lourds. Hein, on a droit à ce genre de blague, je vous le rappelle. Bon, alors lui, il couche avec sa mère. Bon, bah, c'est peut-être qu'il aime trop les femmes, hein, c'est logique. Alors là où il est un petit peu moins logique, c'est quand il nous parle des femmes battues. Quand ils se font frapper, quand ils se font insulter, excusez-moi, on dirait qu'ils aiment ça, les femmes aussi. Hein. C'est vrai, vous pensez ? Ah bah écoutez, moi mon père, il n'a jamais mis la main sur ma mère. Hein. Par contre, ma mère, elle a déjà mis la main sur mon père. Ah, donc c'est le problème des hommes battus, carrément. Ça se fait pas, on touche pas le sexe... Non mais avec les mots, vous la cassez avec les mots, vous la rabaissez avec les mots. C'est ah oui, tout. Ça marche bien. Ah, ça marche, c'est mieux qu'avec les gestes, ça reste dans la tête. Moi j'apprends des trucs avec vous. Ah bon, bah... Bienvenue à l'école. Eh ben merci pour cette petite leçon. Donc il faut abaisser avec les mots parce que ça reste mieux dans la tête. Alors je rappelle, c'est le même hein, qui disait qu'il aimait les femmes il y a 3 minutes, d'accord ? Donc je suis parti un petit peu parce que j'avais pas envie d'apprendre que Jean-Marie Bigard était le plus grand poète du XXe siècle. Moi j'étais pas prêt pour ça. Alors là évidemment c'était l'avis d'un vieux sage, hein, on l'a entendu. Mais il y a des jeunes, hein, des jeunes hommes qui ont des choses à dire sur la place des femmes, notamment en politique, par exemple sur la parité. Il faut qu'elles le méritent aussi. Hein. Ouais, il faut un système de méritocratie, donc il faudrait que les femmes accèdent aux fonctions de pouvoir si elles le méritent. Si elles ne le méritent pas, je ne vois pas pourquoi elles devraient y accéder. Parce que les hommes là qui sont au pouvoir, ils le méritent tous ? Je ne sais pas, mais j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Ah ben oui, mais il est complexé, alors lui, ça va pas. Mais non, il faut le dire, ils le méritent tous ces hommes. Voilà, il faut le dire. Voilà, ils sont au pouvoir parce qu'ils méritent leur place. Ils ont des compétences. Vous voyez, je confonds les deux mots hein, parce que ça se ressemble vachement. Donc, faut pas être complexé, mon petit. Il faut prendre exemple sur nos aînés. Tiens, écoute celui-là. Est-ce qu'il fait la vaisselle ? Ça m'arrive quand elle est pas là. Mais quand elle est là. Alors. C'est 50-50, mais c'est plutôt elle qui est. Elle est plus chez elle que chez moi. Ah, en plus, c'est elle qui paye ? Ah non, c'est pas elle qui paye, mais c'est elle qui gouverne. Elle est une femme à la maison, ben, elle domine. Elle... Oui, donc elle domine, donc vous lui laissez faire la vaisselle ? Entre autres. C'est pour son plaisir, en fait ? Là, je sais pas. Je n'ai jamais posé la question. La réponse m'inquiéterait beaucoup trop. Oui, alors ne lui posons pas la question. Laissons-lui son plaisir de femme, hein, de faire les tâches ménagères. C'est, si ça se trouve, c'est elle la tâche ménagère. C'est la journée du gros lourd, voilà, c'est comme ça. Voilà, j'adore cette journée. Et bon, comme je vois que vous y prenez un petit peu goût, j'en ai un autre. Qu'est-ce qu'il fait, lui, comme tâche ménagère ? Rien du tout. Rien ? Je sais même pas où est la cuisine. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah parce que la cuisine, c'est pas mon rôle. Par contre, changer sa roue de voiture quand elle est... en panne, sachez le faire. Ben voilà, mais c'est ça l'esprit. Voilà, c'est pas compliqué d'être décomplexé. Et je vais vous dire, essayez chez vous parce que c'est hyper reposant. C'est vrai, hein, Éric Zemmour, il est toujours détendu. Voilà, ça rassure, c'est bien. Voilà, c'est ça le secret. Et alors, attendez, pour terminer, qu'est-ce qu'il pense des filles qui se font agresser dans la rue ? Elles cherchent un petit peu. Ah, vous trouvez ? Elles cherchent beaucoup même. Genre, elles s'habillent de manière provocante ? Ben, elles sont un petit peu courtes, hein, en jupette. Oui, mais alors, attendez, parce que moi, je trouve que votre pantalon, il est un peu moulant. Donc si quelqu'un vous met une main au cul, ça justifie ou pas ? Ah non, mais on risque pas de me le faire. Mais pourquoi pas ? Ou alors ça serait qui ? Une femme ou un homme ? Ah bah un homme ? Ah oui, non mais ça je crois pas non plus. Bah vous avez un beau petit cul quand même, non ? Allez, merci beaucoup. Ah voilà, mais oui, la lâcheté, hein, donc c'est une caractéristique du mâle dominant, faut le savoir. C'est celui-là même qui appelle les femmes le sexe faible, décidément j'adore les gros lourds. Et ça tombe bien parce que contrairement à celle sur le droit des femmes, leur journée dure 365 jours par an. Merci Guillaume Meurice. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie beaucoup. À votre service. Tout le monde dit merci. Merci Guillaume Meurice. Voilà. Voilà. Et là, je peux dire que ce qui est inquiétant, c'est que vous les avez trouvés très très vite. Oui, assez facilement, voilà, ce matin, hein, oui, 2 heures. Il y a des gens qui ont dit des choses positives ou vous avez pris les trois ? Il y a quelques personnes qui ont dit des choses positives quand même. Oui, oui. Sur les femmes. Oui, c'est de le rappeler un peu. Oui. Ah non, pas sur les femmes. Non, non, non. Sur les gros lourds. Sur les gros lourds. Bien sûr. Ouais, c'est ça. François Damiens, dans Des nouvelles de la planète Mars, vous vous occupez de vos enfants, vous faites tout, les tâches ménagères, les gamins. Je les éduque, je lave le linge, je fais la cuisine, j'essaie de les éduquer. Parce que vous n'avez pas su dire non et donc vous devez gérer plein de tâches en même temps. Voilà. C'est comme si vous êtes un ingénieur informatique dans le film, c'est comme s'il y avait plein d'onglets ouverts en même temps. Voilà, exactement. Ben, c'est Kersezon qui disait quand on a le choix entre deux possibilités, il faut toujours prendre la plus difficile. Et je crois que Philippe Mars, il a souvent pris pas la plus facile, mais celle entre les deux. Et donc, il se retrouve avec une vie un peu entre les deux, quoi. La métaphore de la navigation, puisqu'on rappelle que vous êtes féru de navigation. Ouais, marin professionnel, ouais. Ah, j'adore les marins. Il est très marin. François Damiens, ouais. C'est avec nous. Le film des nouvelles de la planète Mars sort demain. Et on va aborder le deuxième sujet qui a trait au film, d'ailleurs. Les abattoirs font scandale depuis que des activistes ont réussi à les infiltrer et à filmer ce qui s'y passe. Deux abattoirs ont fermé en raison des atrocités infligées aux animaux avant qu'ils ne finissent en filet. Est-ce qu'avec le poulet, il y a un problème ? J'ai pas très faim. Maman t'a pas dit ? Il est devenu végétarien ? Je veux plus manger de cadavre. Mais c'est pas un cadavre, c'est du poulet. C'est un cadavre de poulet. C'est comme si tu me forçais à manger de la chair humaine. Bon, ça suffit maintenant. T'arrêtes de dire n'importe quoi. Hitler aussi. Quoi Hitler ? Il était végétarien. Non, effectivement, c'est une référence. Un extrait du film donc, qui sort demain en salle, le film de Dominique Moll, qui a donc pour thème le végétarisme de votre fils et puis du collègue qui vient s'incruster chez vous et qui voit que les poussins sont triés et qu'il y a une partie qui passe à la broyeuse. Et ouais. Vous n'êtes pas tellement sensible au début à ça et puis vous allez commencer à l'être. Vous, François Damiens, est-ce que vous n'êtes pas contre une bonne entrecôte si ça a été fait dans les règles de l'art ? Ah ouais, non, ouais, mais je pense qu'il faut manger moins souvent de la viande, mais de la bonne, quoi. C'est un peu comme quand vous allez dans les... Comme la drogue, quoi. Ouais, c'est vrai. J'y venais. Non, mais c'est comme quand vous mangez du poulet dans un petit resto où ça coûte 5 euros. Vous imaginez quand même bien que le poulet, il n'a pas vu le ciel. Hein. Ouais. Et il n'est pas jaune parce qu'il a vu le soleil. Hein. Oui, c'est comme le curry. C'est comme les t-shirts à 5 euros. Mais non. Donc il y a un moment, il faut mieux. C'est-à-dire, on se fait une entrecôte une fois tous les 15 jours. De toute façon, c'est pas bon d'en manger trop. Mais se prendre une bonne, quoi. C'est comme le poulet, c'est comme les femmes, c'est comme... On y vient. Ouais, parce qu'une femme à 5 euros, tu te dis toujours, il y a un problème. Tu te dis, il y a des maladies. Elle est pas la même batterie. Thomas, avec l'intervention de Thomas Vidéogain. Merci. Évidemment. Merci Thomas. Très chic. Ouais. Toujours chic. C'est quoi, Charline, une entrecôte dans les règles de l'art? Ce serait quelque chose qui ne soit pas industriel. Oui, c'est pas industriel, c'est un circuit court, un circuit court avec un agriculteur. C'est-à-dire forcément, à un moment donné, il va aller à l'abattoir et à l'abattoir, on sait comment ça se passe puisqu'il y a des images qui traînent sur Internet. Oui, mais ça dépend comment l'animal. Alors, par exemple, si l'animal est assommé, si tu prends un poulet. Ouais. Mmh. Ouais. C'est un combat de Guillaume Meurice. Parce que François Damiens, on a le même problème. Notre fils Guillaume Meurice est tombé dans le végétarisme depuis un an et demi. C'est plus quoi faire. Il va devenir bientôt véganiste. Ouais. Donc le végétarisme, c'est une forme de militantisme alors. Faut vraiment plus manger d'animaux. C'est ça. En plus, ça correspond tout à fait aux prérogatives écologiques là, puisqu'on sait que la consommation de viande, ça fait beaucoup de mal pour la planète, bien sûr. Enfin, ça pour le climat en l'occurrence. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu sais, c'est comme avec les femmes, si tu leur fais un bisou avant de leur mettre une baffe, ça passe. Ah ben ça, j'aurais appris quelque chose. J'aurais appris quelque chose. Dans les abattoirs, c'est ça. Je crois que je ne maîtrise plus cette émission. Un bisou, boum, une claque de la mâche. Voilà. Si l'auditeur peut faire quelque chose pour moi. Au secours, mon Dieu. Bon alors d'accord, pas d'entrecôte, très bien. Vous le dites dans le film François Damiens, tout au début, vous dites l'homme est omnivore. C'est le début de cette scène qu'on a entendue. Vous essayez d'expliquer qu'en fait, on peut... On peut manger de tout. Oui, vous raisonnez votre fils. Oui, voilà. Essayez de raisonner Guillaume Meurice comme dans le film. Parce que oui, mais lui, il est un peu extrême. Il est casse-couille, entre guillemets. Parce qu'à un moment, il y a trois petits lardons dans le truc. Et je lui dis, écoute, je veux pas commencer. Parce qu'à un moment, comme j'invite de plus en plus de gens à la maison, enfin, on est sept. Et le petit, il est devenu l'autre, Vincent Macken, il l'a foutu dans la boule qu'il veut plus toucher à un bout de viande, quoi. Donc j'ai deux, trois petits malheureux petits bouts de lard et il veut plus manger, quoi. Et ça, c'est vraiment une anecdote, je la raconterai encore. Non, mais c'est le débat. Est-ce qu'on peut manger des chips goût bacon, par exemple, quand on est végétarien? Il n'y a pas de bacon dedans, c'est juste goût bacon, il le vaporise comme ça avec un pchit. Est-ce que, par exemple, Guillaume Meurice mangerait des chips goût bacon? Je regarde la composition derrière. Il n'y a pas de... S'il n'y a pas de bacon, je m'en fous, moi. C'est cancérigène. Ah ouais. Alors, en tout cas, il y a l'association L214 et ses militants... Franchement, c'est pas terrible. Bip, bip, ça c'est de l'argument. Wow, on monte un cran dans le débat. Ok, je mange de la viande. Okay. Je m'excuse, je prends bien coup, j'ai pas vu dans la mare. Franchement, on a bien créé la polémique. Il y a l'association L214 qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment parce que ces militants infiltrent les abattoirs de façon légale. Ils se font engager et puis ils font des vidéos. Et donc en 5 mois, ils ont réussi à faire fermer 2 abattoirs. Finalement, c'est un peu les personnages du film, sauf que eux prennent des moyens un peu extrêmes. Mais ici, le fait que des associations infiltrent les abattoirs, fassent des vidéos, c'est assez neuf, ça se répand sur les réseaux sociaux. C'est quand même une bonne chose, non ? Yep. Alors, je vais faire une citation, attention. Mais c'est Paul McCartney, mais c'est quand même pas con ce qu'il a dit. Il a dit, si les murs des abattoirs étaient transparents, tout le monde serait végétarien. Pourquoi il serait con, Paul McCartney ? Si les murs des abattoirs... que c'est un chanteur de... T'es végétarien, non ? Je sais pas. Vrai, c'est pas. Et moi, je l'ai répété après aussi, cette phrase. Moi, je l'ai chanté. Je l'ai chanté. On va qu'à dire que François Damien. En fait, vous allez être récupéré. Ouais, vous allez être récupéré par les végétariens, parce que vous êtes fort sur le sujet. On est d'accord avec ça, du coup. Ouais, je maîtrise bien. Le... voilà. On est d'accord avec cette phrase ou pas ? Oui, elle est bien. Vous êtes tous végétariens. L'abattoir à 5% bio du Vigan dans le Gard a été fermé à titre conservatoire le 23 février. La vidéo de l'association L214 a été vue plus d'un million de fois. Et voilà. Ça c'est dit. Par deux personnes. C'est, dit, hein, c'est deux personnes qui ont regardé 500 000 fois chaque film. Non, on peut le dire quand même, faut le dire. C'était Guillaume Meurice et Madame Meurice. C'est vrai. Ben, puisque vous avez le crachoir, Thomas Bideguin. Oui. Ah, hein, ah c'est moi qui m'y colle. Oui, parce que... C'est pas quand il le rend, d'ailleurs. Et attention. Et ben, ça fait plaisir. Oui, voilà. Donc, moi, je viens, comme d'habitude, pour poursuivre mon petit exercice pédagogique de lecture du monde, ce décryptage des histoires qu'on essaye de nous vendre et qui me portera un jour au sommet, mais qui, pour l'instant, m'a amené ici. Donc voilà, aujourd'hui, je viens évoquer un concept essentiel et pourtant un peu abstrait, qui est le point de vue. Je sais que c'est un peu malvenu de manier des concepts abstraits aujourd'hui parce que c'est la journée de la femme, mais je vais parler lentement. Il y a des films où Los Angeles est attaqué par des aliens, où il y a des centaines de milliers de gens qui disparaissent dans les flammes d'un volcan oublié, où il y a des morts, c'est la panique. Et puis on s'ennuie vaguement, on bâille comme ça, et on attend que ça passe. Et puis de l'autre côté, il y a des films où un mec perd son peigne et on se dit « oh merde, oh non ». C'est pas possible, oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, la différence entre les deux, c'est le point de vue. C'est la proximité qu'on a avec la personne qui raconte l'histoire. Parce qu'on voit le monde à travers ses yeux. C'est pour ça que « aimez-vous comme des frères », par exemple, ça n'a pas le même sens si c'est dit par Jésus ou par Shérif Kouachi. Ou alors, imaginez Marc Dutroux, rédacteur en chef de Maison et Jardin. Bah, là, le moindre éditorial, la moindre photo, on est intéressé, on scrute, on regarde s'il y a des trous. Bah, voilà, tout de suite, il y a un point de vue. Le point de vue, c'est répondre à la question « qui me raconte l'histoire ?» C'est parfois difficile de répondre à cette question. Là, dans ces cas-là, on a un déficit de point de vue. Et du coup, on est condamné à l'inflation. C'est-à-dire que c'est la répétition de la même scène de plus en plus énorme jusqu'à ce que Los Angeles disparaisse dans les flammes. On voit bien ça, par exemple, avec les migrants en ce moment. Comme les responsables politiques n'ont pas trop de point de vue, ils ne peuvent que répéter la même chose, juste de plus en plus fort, de plus en plus gros. On va leur interdire de monter dans les trains, ensuite on va construire un mur, on va l'électrifier, on va les stocker dans les égouts, on va stériliser leurs bébés. Voilà, on est condamné à l'inflation. C'est le manque de point de vue. Donald Trump en Amérique, c'est pareil. Vous voyez, on se dit, c'est pas possible, il sera jamais président, Donald Trump. Et puis, on se souvient de George Washington. Eh bien, lui aussi, il portait une perruque. Enfin voilà, tous ces gens ne nous racontent pas l'histoire, ils courent derrière. Du coup, ils peuvent oublier leur peigne, on s'en fout. Ils peuvent même oublier leurs enfants à l'école, on s'en cogne. Ça nous en remue une sans réveiller l'autre, comme on dit, quand on a le souci de célébrer la journée des droits des femmes. Il faut avoir un point de vue et l'affirmer. On pense souvent que le seul obstacle à Daesh, c'est les Kurdes. Eh ben non, c'est les Kurdes. C'est BHL qui le dit. Il a un point de vue. Parce que les Kurdes, vous êtes marrants. On peut pas leur faire très mal avec des Kurdes. Eux, ils sont hyper armés. Donc non, c'est pas ça le rempart à Daesh. Eh non, il faut avoir un point de vue. Une histoire, ça doit être incarné. C'est pour ça qu'on a tort quand on fait porter la narration par des personnages secondaires dans les histoires. Ou même des figurants. Par exemple, El Khomri. Eh ben, c'est comme Alain Devaquet à mon époque. Leur problème à eux, c'est pas qu'ils feront jamais rien après leur réforme. Leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait avant. Du coup, ils n'ont pas d'autre truc à vendre que leur projet. Et c'est comme ça que Los Angeles va disparaître dans les flammes avec leur projet de loi. C'est à peu près ce qui va se passer. Et c'est pour ça que pour raconter une grande histoire, on a souvent besoin d'un grand acteur. Et je suis très ému aujourd'hui de déballer ma petite chronique devant François Damiens. Regardez-moi cette petite boule de poils un peu dégarnie. Eh ben, c'est le meilleur. Il n'a même pas besoin de perdre son peigne. Il suffit qu'il arrive avec son humanité, avec sa force et son petit regard oblique comme ça. Eh ben, voilà, on a envie de le suivre. Et puis, un peigne, il en ferait quoi ? François Damiens. Voilà. Ce qui fait la force d'une histoire, c'est la singularité de son point de vue. Et c'est pourquoi, contrairement à ce que dit Guillaume Gallienne, on a besoin d'histoires racontées depuis partout. Par des fous, par des peintres, par des mendiants ou par des femmes. Parce que sans la lumière de tous ces points de vue, chacun est dans sa nuit. Thomas Bideguin, dans toute sa splendeur. Ouais, non, je croyais qu'un poète. Hein. Il avait dit la même chose. Il avait dit la même chose à Francis Huster. Hein, donc, François Damiens, qui a tourné avec Thomas Bideguin, Les Cowboys. Évidemment, vous avez. Oui, vous avez. vous connaissiez ce talent comique, évidemment. Bah oui. C'est étonnant parce que Les Cowboys, c'est pas une comédie. Et puis, il a un talent comique extraordinaire. Bah, oui, c'est comique. Hein non, mais c'est marrant, c'est que je pense que qui peut plus peut le moins, quoi. Moi, j'ai trouvé ça hyper triste, sa chronique. Ça veut rien dire. Bon. Mais c'est pas très comique. J'essaie d'expliquer un truc. Merde. Ah, après, vous rigolez comme des bedeaux, mais moi, je raisonne toujours parce que vous êtes belle. Mais c'est ça, c'est le fond et la forme. Moi, je me moquais, Thomas, uniquement. Ah, mais voilà. D'abord, le troisième sujet avec François Damiens. Troisième sujet, une star américaine du développement personnel, ça existe, a publié Miracle Morning, vendu à 80 000 exemplaires aux États-Unis. Le bouquin sort en France. Slate.fr en fait un article. Aujourd'hui, ce serait valorisant de dire qu'on s'est levé tôt pour faire des trucs avant le boulot. Encore un storytelling, Thomas Bideguin. Ouais. Star américaine. Je rappelle qu'il y avait une star française qui avait compris ça avant tout le monde. Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ? Parce que tous les matins, il faisait son... Son petit déjeuner ? Petit déjeuner, je t'en foutrais, moi. Anne, parce que tous les matins, il faisait son... Son lit ? Son jogging, bande de buses. C'est quoi ? Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dèves, les Sardou, en train de boîte de nuit pété comme des coins, Claude, des potrons minés, il était ici et yogué. Ok ? Ça, c'est un exemple à suivre. Je ne veux pas d'alcool dans cette team. Bien dans les têtes, hein ? Magnolia ! Voilà ! Un extrait de Podium, et il a raison. Pas d'alcool dans cette team. Non, c'est vrai. On est d'accord. Donc, tout le monde a fait Claude François. C'est vrai la rumeur comme quoi vous allez faire le biopic de Mike Brandt pour le rattraper. Oui, on est occupé à regarder un peu les contrats. Mais c'est encore trop tôt pour en parler. Donc, il y a une vague de développement personnel comme ça, qui est quand même une belle niche marketing. Et la dernière idée en date, c'est de dire qu'on peut avoir une vie avant le travail et qu'il faut faire du jogging, par exemple, ou de la méditation, etc. D'après les sociologues, le matin toujours été associé à la réussite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, François Damiens ? Oh, mais moi, j'ai du mal à me lever et j'ai du mal à me coucher. Ah. Et aujourd'hui, si vous aviez... Je me suis levé pour venir chez vous. J'aurais du mal à dire que je crois aux gens qui se lèvent tôt. J'ai mal à me coucher tard, à ma décharge. Ah, voilà. Donc, c'est pas forcément associé à la réussite de se lever tôt. Non, je crois pas. Vous voyez à quel point je cartonne, là. Je suis occupé à exploser littéralement et vous venez dire des banalités comme ça. Le mec se lève à 16h. Quel exemple pour la jeunesse. Ouais. Cela dit, quand vous êtes en tournage, vous explosez parce que... C'est pareuil. C'est vrai, Thomas Bideguin, vous pouvez témoigner. Mais oui, quand il est en tournage, c'est pareil. Non, c'est vrai. J'essaye toujours de... Ouais, je me lève à la dernière minute et j'essaye toujours d'aller voir le premier assistant pour lui demander si on peut pas verser la séquence. Quoi. Il essaye. Il faut être copain, c'est avec lui. Quoi. D'accord, très bien. Petit conseil aux jeunes acteurs. Ouais. Soyez copain avec le premier assistant. Ah oui, direct. Là, Donc, un petit peu de storytelling. C'était d'ailleurs un argument de Nicolas Sarkozy en 2007. La France qui se lève tôt, rappelez-vous. Hein. Ah bah oui. Ça, c'était... Oui. Et vous savez, dans ce discours, comme on peut aisément remplacer le mot France par le mot bite. Cette France qu'il faut sans arrêt redresser. Cette France qui appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bah, voilà, c'est tout. Le discours, il est simple. C'est ce qui s'appelle la Gaule. On vous parle de storytelling. Ouais, ouais. Bah, voilà. C'est César qui a inventé ça. Vous savez, il a eu la Gaule et après, il s'est fait pomper. Alors, c'est... Ah, voilà. Donc, alors, je pense que Non, c'est une bonne idée. Thomas Bideguin au théâtre des deux âmes. Et encore, il y en a un des deux qui est mort. Et oui, François Lamien, c'est l'heure du sketch. Attention, et je vous ai donné un rôle. Je sais pas si ça va vous plaire. C'est donc ce fameux dentiste. Le dentiste de Château Chinon. Ouais. Qui a tendance à arracher 8 dents à la fois. Et vous avez un nouveau client qui est Thomas Bideguin, une assistante Charline Vanhoenacker. Et on y va. Bonjour madame, j'ai rendez-vous pour un détartrage. Ah, le docteur Nirop termine un patient et il s'attaque à vous. Ah, mais dites-moi, il est bien le docteur Nirop? Ah, très très bien, tous ceux qui sortent d'ici ne portent jamais plainte. Hein. Pardon? Ne se sont jamais plaints. Allez-vous-en! Docteur Petiot à côté, c'est un génie! C'est qui lui, par exemple? Non, c'est rien, c'est un ancien patient qui a été très mal remboursé par sa mutuelle. Hein. Oui. Entrez, monsieur. Ouh là là, c'est à moi, là? Alors, on passe sur quoi? Ben, moi, je suis venu à la base pour un détartrage. Un détartrage. Oui, un détartrage, vous savez, juste quand on gratouille un petit peu le tartre. Oui, bien sûr. Ben, attendez, vous cherchez quoi sur votre téléphone, là? Ben, je cherche détartrage sur Google. Non, c'est Google? Non, non, non. Après, je vais sur Doctissimo. Et là, c'est quand même autrement mieux expliqué. Et dire qu'il y en a qui font la médecine. Non mais excusez-moi, vous avez déjà pratiqué comme ça? Bah, le patient précédent, les quatre dents de sagesse, elles sont là. C'est pas compliqué. Elles sont sorties comme des carottes. Mais pourquoi il hurlait alors? Bah, c'est parce que j'ai oublié l'anesthésie. Oh là, mais attendez, je peux voir vos diplômes? Non, non, mais attends, là... Par contre, je refais toutes les cloisons chez moi. 300 mètres carrés retapés, c'est autre chose que votre chicot, hein, si je peux me permettre. Voilà, je vais sortir de ce fauteuil et puis je vais y aller. Mais non, non, attendez, allez, monsieur monseigneur, attendez. Non, non, non, non, appelez-moi monsieur, ça suffira. Ça ira, hein, merci. Non, non, monseigneur, c'est la pince. J'ai vu que vous aviez une carie, donc faites... Ah. Bah non, non plus, là, je peux rien mettre dans votre bouche, là. Bah, je recommence. Bah, non, là, je peux rien y mettre dans votre bouche. Voilà, on y voit plus clair. Oh, mais dites-moi, c'est un squat là-dedans. J'ai quitté le navire. C'est la jungle de Calais. Va falloir expulser du migrant. Attention, ça va piquer. Non! Bon, moi, je... Ouh, aïe, aïe. Quand tu veux, pour ouvrir la bouche. C'est une comédie d'auteur. Non, mais arrêtez, mais vous m'en avez arraché combien? Bah, disons qu'il va falloir un gros sac, la petite souris, comme on dit. Bon, docteur la police, pour votre rendez-vous de 11h. Je pose une couronne et j'arrive. Une couronne de fleurs parce que votre dentition, elle est morte. Parce que vous êtes drôle, docteur. Humour de dentiste. Merci François Damiens. C'est un bel exercice. Hein. Je rappelle qu'on vous retrouve en salle demain dans Des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll avec notamment Vincent Macaigne et Verle Battens. On vous le recommande chaudement et on laisse le mot de la fin aux partenaires sociaux. Chaman! Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire.